23. Tom revoit ses parents. Avant de partir, sa marraine lui dit d'aller prendre dans son trésor autant d'or qu'il en voudrait pour le porter à ses parents. La fée voulait par là l'éprouver et voir si Tom aimait assez son père et sa mère pour se donner beaucoup de mal pour eux. Mais Tom se tira de cette épreuve comme un bon fils le devait. Dès qu'il fut revenu de l'étonnement que lui avait causé la vue d'un si riche trésor, il prit sans consulter ses forces le plus gros écu d'or qu'il put trouver. Et quoiqu'il eût à peine la force de le soulever et beaucoup de chemin à faire, il s'en chargea bravement, ne pensant qu'au bien-être que cette petite somme procurerait à ses pauvres parents. Plus d'une fois, les forces du pauvre garçon trahirent son courage et lui arrivait souvent dans le trajet de s'arrêter épuisé de fatigue et de pleurer à côté de sa pièce d'or. Mais, il reprenait bientôt sa route et sa pièce. « Quand je vais revoir notre cabane, se disait-il, je serai bien payé de mes peines. » La bonne fée, qui le voyait du haut des airs où elle était, avait bien envie d'en descendre pour l'embrasser, mais elle voulait lui laisser le mérite de sa bonne action pour qu'il l'accomplît jusqu'au bout. À la fin, Tom s'avisa d'un expédient auquel il regretta de n'avoir pas songé plus tôt. Au lieu de porter cette pièce d'or, dont le poids l'écrasait, l'idée lui vint de la mettre sur le côté et de la pousser devant lui, comme un cerceau. L'idée était bonne et elle lui réussit. Aussi, le reste de la route fut-il pour lui fort agréable, puisque chaque minute le rapprochait davantage de son but et sans fatigue. Enfin, il arriva. 24. Tom revoit son père et sa mère. « Toc, toc !»« Qui est là ?» dit tristement une voix dans la cabane. « C'est moi !» dit Tom tout palpitant. « Moi, le petit Tom, votre fils !» La pauvre Madame Pousse, entendant cette voix qui lui parlait, ne pouvait en croire ses oreilles. « Bien sûr, je rêve, se disait-elle, et je n'aurai point tant de bonheur de voir revenir mon cher enfant. Personne n'a frappé. »« Toc, toc !» fit Tom pour la seconde fois, et pour la seconde fois il disait « C'est moi, mère, votre petit homme, que vous croyez perdu !» Il n'y avait plus à s'y tromper, c'était bien lui. La pauvre femme, toute tremblante, ouvre la porte, et Tom et elle étaient si heureux qu'ils ne pouvaient parler. Quand ils se furent bien embrassés, Tom, dont la petite figure s'attrista, dit « Où est mon père ?» Mais sa mère le rassura. « Il va venir, » dit-elle. Et au même instant, M. Pousse entra. Quand il vit son fils, il faillit tomber à la renverse. Le roi dans son palais et la reine des fées elle-même au haut des cieux n'étaient pas si heureux que Tom, son père et sa mère dans leur pauvre cabane. Quand le premier moment fut passé, Tom montra la pièce d'or. Mais la pauvre mère, le regardant, disait à son mari « La plus belle fortune, la voilà !» Après quoi, Tom raconta ses aventures. Quand il arriva à la fin et qu'il eut dit à ses parents qu'il avait promis de retourner, ce furent des larmes et des sanglots à fendre les rochers. Mais ces braves gens n'essayèrent point de le retenir. « Va !» lui dirent-ils en pleurant. « Un honnête homme n'a que sa parole !» Et quand le jour fut écoulé, lui ayant donné une belle grappe de raisin pour sa route, ils ouvrirent la porte au pauvre Pousse, désolé. Mais derrière la porte, ils trouvèrent la bonne fée qui leur dit tout bas « Ne craignez rien pour votre fils qui vous sera rendu. Vous êtes de braves gens et le ciel vous doit le bonheur. Ne murmurez point et laissez-moi faire. » Ayant alors pris Tom dans sa manche, elle retourna avec lui dans son brillant palais. « Ce n'est pas tout, » dit-elle à Tom quand ils y furent arrivés. « J'ai promis à la reine, épouse du roi Arthur, que tu lui serais rendu. Il faut tenir sa promesse. »« Oui, sans doute, » dit Tom en poussant un gros soupir. 25. Le pauvre Tom retourne à la cour. Le bouillon du roi. Un matin que le vent soufflait du côté du palais du roi Arthur, la reine des fées embrassa Tom et lui dit adieu. Puis, l'ayant mis à cheval, sur un courant d'air, elle souffla sur lui. Et Tom, flottant dans l'espace comme le liège sur l'eau, eut bientôt perdu de vue le palais de sa marraine. Le voilà parti et volant sur des ailes invisibles, un peu essoufflé d'une course si rapide, et demandant quelquefois au vent de ne pas aller si vite. Mais, le vent ne l'écoutait pas et allait suivant ses caprices ordinaires. Le malheur voulut qu'il fût dans un de ses mauvais jours, et lui prit une bourrasque telle qu'une petite ombrelle que la marraine de Tom lui avait donnée en partant pour qu'il pût s'en servir au besoin, comme d'un parachute, fut arrachée de ses mains, et que d'un seul coup le petit voyageur fut précipité dans la cour du palais. La mauvaise étoile de Tom voulut que le cuisinier qu'il avait trouvé dans le ventre du poisson passa par là portant une soupière contenant un bouillon pour le roi. Voyez le malheur. Tom s'abattit au milieu de la soupière et la soupe toute chaude jaillit en éclaboussures au visage du cuisinier qui, dans son effroi, laissa tomber le déjeuner du roi en criant au feu, au meurtre et à l'assassin. Ce jour-là, le roi ne déjeuna pas parce qu'il n'y avait plus de soupe dans le palais. Il en fut de si mauvaise humeur qu'il écouta les mauvais rapports qui lui furent faits sur son favori par tous ceux que Tom avait blessés autrefois dans ses caricatures. Tom eut beau dire que c'était le vent et que d'ailleurs il avait failli y perdre la vie, ce qui devait prouver à chacun qu'il n'avait pas voulu en faire un jeu. On n'en voulut rien croire. Et pour qu'il ne pût s'échapper, on l'enferma sans plus tarder sous un chapeau, dont les bords furent assujettis avec soin par de grosses pierres. 26. Les prisons de Tom Pouce. Tom, dans ce noir cachot, se sentant fort de son innocence, ne perdit pas courage. Et tirant son épée, il tailla avec une adresse merveilleuse une porte qui avait, ma foi, fort bonne grâce dans la forme du chapeau sous lequel on l'avait emprisonné. Puis il sortit résolument et l'épée en main, bien décidé à vendre chèrement sa vie. Mais Tom n'était pas encore au bout de ses disgrâces, car il était séparé de la liberté par tant d'obstacles. Le palais était gardé de tous côtés, qu'il fut repris avant d'avoir pu les vaincre. Un Hercule y eut succombé. Pour cette fois, ce fut, j'ai honte de le dire, tout est bon aux méchants pour arriver à leur fin, ce fut dans une souricière qu'on l'emprisonna, lui, un chevalier de la Table Ronde. Là, pendant 8 jours et 8 nuits, l'innocent languit. Sa fermeté, du reste, et son calme ne l'abandonnèrent point, quoiqu'il n'eût pour toute distraction, en attendant la mort, que de regarder un peu au dehors, et d'entendre au loin hurler les chiens de garde et crier les hiboux de la tour. « Sans ma curiosité, disait-il, je serai libre et courant à ma fantaisie dans le jardin de mes parents. Oh, ma bonne mère, je ne te reverrai plus !» Au moment où il s'enfonçait dans ses souvenirs d'enfance, se rappelant jusqu'aux plus petits détails de cette heureuse époque de sa vie, un juge, chargé de lui lire sa sentence, s'approcha de la souricière. 27. Condamnation de Tom Pouce. Le tribunal l'avait tout d'une voix condamné à avoir la tête tranchée. Et telle était la frayeur qu'inspirait la colère du roi que quand les causes les plus injustes trouvent des défenseurs, la juste cause de Pouce n'en avait pas trouvé. On raconte que, quand on annonça à l'exécuteur des hautes œuvres, qui pourtant était un géant, qu'il allait avoir à mettre à mort l'infortuné Tom Pouce, son cœur de tigre fut attendri et qu'il fut obligé de se faire servir quelque chose pour ne pas s'évanouir. Pour Tom, une pareille nouvelle était bien faite pour lui causer une grande émotion. Il fit un tel soubresaut qu'il brisa la souricière et, se jetant alors sur le juge, il lui arracha des mains l'inique sentence. Puis, s'en étant fait une espèce de ballon, il s'y accrocha et, grâce à un vent très fort qui soufflait en ce moment, s'éleva dans l'air aux acclamations du peuple qui lui portaient beaucoup d'intérêt. La reine des fées, qui veillait sur lui, lui envoya alors un de ses papillons, sur le dos duquel il s'assit et qui l'emmena dans le royaume des fées à la barbe des satellites du roi Arthur. On assure du reste qu'au moment où le pauvre Tom avait échappé à la mort d'une façon si miraculeuse, le roi Arthur, reconnaissant tout à coup son innocence, lui avait envoyé sa grâce. Mais il n'était plus temps. Tom était perdu pour lui. Et c'est ainsi que ce grand roi, si grand qu'il fût, trouva dans la perte de son petit favori le châtiment que méritait son aveugle emportement. 28. Conclusion. Le papillon guida son léger fardeau jusqu'au palais de la reine des fées où Tom était attendu. Et ce fut là qu'il reçut sa récompense. Car, sans parler d'une brillante réception qui lui fut faite par toutes les fées que sa marraine y avait réunies pour fêter l'arrivée d'un si bon fils, il y trouva son père et sa mère que la bonne fée y avait fait venir, et en outre la cabane, le jardin, le champ et la vache, elle-même, qu'elle y avait transportée d'un seul coup de baguette. Tout était encore dans l'état où Tom l'avait laissé. Si ce n'est pourtant le sabot que Madame Pouce avait usé pendant le temps où elle avait désespéré de revoir son cher petit Pouce, et qui avait été remplacé par un nid de roitelet. La bonne fée garda dans son palais cette aimable famille, Ils vécurent tous heureux jusque dans un âge avancé. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. Épilogue. L'histoire de Tom Pouce était finie. Tous les enfants s'étaient peu à peu rapprochés de leur grand-maman. « Tom Pouce était brave, » dit Octave. « Il aimait bien sa maman, » dit le petit Jules. « Déjà fini ?» dit Valentine. « Encore !» dit Fanny. « C'est bien joli, » dit la petite Marie. « Ma poupée a été bien sage, » s'écria Marguerite à son tour. Jean-Paul dormait. « Allons nous coucher, » dit la bonne maman. « Et puisque vous avez été de bons petits enfants, je vous conterai dès demain une autre histoire qui sera bien plus jolie encore que celle de Tom Pouce, car celui de qui je la tiens n'en sait que de belles. » Ici se termine « Aventure de Tom Pouce » par P.J. Stahl.